que va nous dire donc l'oracle de Béline pour ce mois de mai 2022 pour les béliers? Quel est le message? Alors peut-être en rapport de force avec certaines personnes, vous risquez de ne pas être content, ami bélier, avec par rapport à peut-être une friction avec quelqu'un. Alors on va voir la suite du tirage, hein, bien sûr, puisque la coupe ne fait que colorer le tirage et ne décide pas. Donc quel est le conseil ou le message du Béline pour vous, Bélier? Bon, bah ça va. Apparemment, tout début mai, on y est. Hein, je me demande si c'est pas en train de se... Enfin voilà, là on est tout début mai, je fais le tirage début mai. En tout cas, cette semaine, j'ai l'impression, cette première semaine de mai, que vous pourriez avoir une friction, une altercation avec quelqu'un, une colère. Mais finalement, ce n'est pas plus mal parce que vous allez crever un abcès. On vous connaît, vous n'êtes pas des personnes hypocrites. Et donc, ça va sortir, ça va tomber. Vous allez dire ce que vous pensez. Et finalement, eh bien, c'est pour en mieux. Parce que les autres cartes, donc j'ai une carte de nette amélioration, la chance est avec vous, mais j'ai également l'union, l'amour et regardez, le bonheur en résultat. Donc vraiment, on ne peut pas mieux comme tirage, donc c'est vraiment un tirage qui vous conseille de prendre la personne avec qui vous avez des soucis entre quatre yeux et de ne surtout pas laisser traîner les choses, de ne pas laisser des non-dits s'installer et encore moins des quiproquos. Et donc, plus le dialogue sera évident, fluide, et plus vous avez des chances de réussir votre vie sentimentale. Et apparemment, le mois de mai va être très très bénéfique pour vous, côté cœur. Donc, quelle que soit votre situation, profitez-en et saisissez votre chance. À bientôt.